Donc là, j'ai été kick de la conversation audio. Et j'attends qu'ils viennent m'implorer pour venir. Donc, on verra. On va voir combien de temps ça met. Ouh, faut que je baisse mon gain, moi. Je suis trop fort. Je suis trop fort. C'est d'ailleurs mon point faible. Hein. Là, c'est comment? Là, c'est trop bas. Bah, oh. Voilà. Un petit rototo. Un petit rototax de Grushkov. Je me demande, est-ce que vous allez me rappeler ou pas? On va voir. Pour l'instant, je fais autre chose. J'attends de voir s'ils m'ont kické de la conversation. J'attends de voir s'ils me rappellent. J'ai lancé l'enregistrement, on va voir. J'attends qu'ils m'implorent pour revenir, mais pour l'instant, ils le font pas. Oh, c'est sûr, ils pensent que... Si ça se trouve, ils pensent que j'ai pas encore remarqué... Ça va, tuc-tuc. Oh, d'accord, le petit. Là. Tu veux que je m'en occupe? On fait dodo cette fois, bébé. Compliqué la vie d'un bébé, hein. Il est surexcité, je sais pas ce qu'il a. Never not on my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, da da, da da. Better than na na na. Never met nobody like you. Je commence à me demander si vous allez vraiment me rappeler. Ça fait long. J'ai envie de tous vous kicker de la conversation. Mais je vous entendrai pas rigoler, donc ça sert à rien. Ça fait presque 6 minutes. Hein. On aurait eu le temps d'enregistrer l'épisode. J'ai des trucs à dire en plus. D'ailleurs, je vais le mettre là. Ah, c'est Adrien. Adrien a commencé à m'envoyer un message. Reviens. Comme quoi la patience finit par payer. J'ai répondu à un point d'interrogation. Je fais Georges, l'ingénu, tu vois. Tu as redit reviens et j'ai remis un point d'interrogation. Faut le mot magique là, Adrien, c'est pas possible sinon. Dire s'il te plaît, ou maître, juste, reviens, reviens maître, revenez. Je suis sûr que vous allez faire l'émission sans moi, ça m'apprendra à avoir fait des points d'interrogation. Oh, vas-y, je vais faire le naze. Attends. Clairement, vous voulez pas de moi. Ah, là, tu réagis. Je suis vraiment une petite saloperie. J'aime bien faire du drama. Mais si... Faut que je trouve un truc, attends. Alors pourquoi vous me traitez comme ça? J'espère que vous paniquez. Attends, je vais rajouter un truc. Je vais mettre un truc sur Ika, un truc qui est... Ah, attends, non, attends. Il y a Ika qui arrive à côté. Il m'a dit. Ah, Maddy a dit reviens, bitch. Alors, Je tiens à dire que je reviens parce que Maddy a dit reviens, bitch. Adrien, j'ai un petit enregistrement pour toi. Hein. Merde. Adrien, tu verras, j'ai un enregistrement pour toi. Comment? Non, non. Non, non, c'est juste là, là. T'as 8 minutes de moi qui attends que vous m'appeliez pour revenir. Mais moi, je sais. Moi, tu verras. Ouais, si tu veux. C'est toujours... ça sera tout sur le même enregistrement, par contre. Donc, voilà, ça t'apprendra. Chacun de son côté. Oh, mais Maddy, la connasse. La pauvre. Moi, je peux pas. Hein. Moi, je peux pas, pour le coup. Du coup, faudrait peut-être que tu le fasses, toi. Mais dans ce cas-là, faudrait mettre le... Ah ouais, mais t'as pas... On n'a pas fait un générique vidéo pour... Pour Faut qu'on en parle. Si, c'est hyper grave. Je vais me suicider. Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de mon enregistrement à côté. Je peux l'envoyer directement à Adrien. Bon, on verra. Non, mais je l'ai pas encore arrêté, là. Bah Adrien, moi ça fait combien d'années que j'ai pas vu mon père, tu te fous de la gueule du monde? Demain je travaille donc je peux, ouais. Non, non, c'est bon. Ouais, je sais, je suis sexy. Quoi? Ah ok, j'espérais autre chose, mais tant pis. Non, bah, je préfère pas le dire. Je peux pas mettre de trigger warning là. Alors. Du coup, est-ce que quelqu'un a le truc pour faire directement la vidéo ou pas? Ika, pourquoi ton truc est centré comme ça? Ah, t'as des gueux glaces. Pauvre Rick. Oui. Bah, Maddy a le droit de bien aimer aussi, mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah nous on n'a pas d'argent là, on a plus d'argent, donc on n'a rien du tout. Ouais, bah oui, voilà. Oui, mais on n'a pas acheté des trucs de bourgeois, c'est ça que je dis. Bah ma bite. Non, franchement, là, j'ai rien mis dedans parce qu'elles étaient juste trop bonnes nature, déjà, comme ça. C'est quoi, ça? Quoi, c'est celui qui a fait les sandwichs au caca? Hein. Pourquoi c'est Valentin qui a fait ça? Ça m'étonne pas. Il est complètement dégénéré, ce mec, hein. Le mec qui se met. Non, mais je dis Nibelung. Je fais exprès. Mais pour rien. Ouais. Du coup, c'est lui qui chie dans les pots de chambre comme ça. D'ailleurs, t'as la voix qui est recrispie, Adrien, chez moi. Ouais. Ouais. Ouais. Attends, reparle. T'es toujours crispy chez moi, mais de toute façon, c'est Ika qui doit dire. Merde. Ouais, ça grésille. Ah ouais, vachement mieux. Tu peux faire encore un peu plus. Ouais. Mmh. Plutôt 50. Ok. Là, ça a empiré chez moi. Ouais. Mais genre significativement, hein, c'est vraiment devenu beaucoup moins. Non, mais tu veux pas savoir. Faut plus le faire parce que ça embête Adrien. Non, ça c'est moi. Mais Adrien, lui, ça lui rappelle juste quand il se faisait bully à l'école. Ah ouais, c'est mieux que juste avant. Hein. Ok. Ta maman. Tout le monde qui est vraiment très silencieux, ben, suite à la. Non, en plus les enfants, ils sont compliqués. Donc si on pouvait faire vite, parce que sinon ça va me retomber dessus. Oh merde, tout est enregistré. Mais il sait déjà que j'ai peur de lui. Ouais. Ouais. Echo, echo. Allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô. Ouais.